Je promets que ça part en couille, qu'on fait tous n'importe quoi. Pour un regard lave-la l'embrouille qui se termine souvent avec fracas. Les gens deviennent ouf, pourtant c'est surtout pas ce que l'on voulait. En faisant tous ce bond dans le progrès, crois-moi, on y a cru. On voulait que ce soit sympa, et c'est bien profond qu'on l'a dans le cul. Et tout ce gâchis on le récupérera pas. Maintenant c'est trop tard, adaptons-nous et redevenons des rats dans ce monde de crevards. C'est le plus bâtard qui y arrivera. Et maintenant c'est trop tard, adaptons-nous et redevenons des rats dans ce monde de crevards. C'est le plus bâtard qui y arrivera. Redécouvrant les joies de nos instincts de base. Tu trouves pas que c'est sauvage, que ça commence à être bien naze? On a créé la technologie en pensant s'en servir, et finalement c'est elle qui a fini de nous asservir. On a tous un phone en poche, pas foutu de dire bonjour à nos proches. Une vie de naze bien asservie à faire des tafs toujours plus pourris, et surtout fermer sa gueule et dire oui chef merci. Car à la chaude tu te sens seul, et sans thune t'as plus d'amis. Et maintenant qu'il est trop tard, adaptons-nous et redevenons des rats dans ce monde de crevards. C'est le plus bâtard qui y arrivera. Et maintenant c'est trop tard, adaptons-nous et redevenons des rats. Donc je redeviens bâtard et me transforme en rat. Toute ta vie qui s'échappe, je te dis pas la thèse vie. Tu te retrouves à la trappe que t'as toujours rien compris. Quand la domère t'attrape, je te jure qu'y a rien d'easy. Si t'es fort tu te retapes, mais les coups ça affaiblit. Et faible t'as pas le droit de l'être aujourd'hui. Seuls les sans pitié, les sans remords, en fait les plus pourris, sont de nos jours les plus forts. Je te jure que c'est pas fini. Maintenant qu'il est trop tard, je réadapte ma vie dans ce monde de crevards. Adaptons-nous et redevenons des rats. Maintenant qu'il est trop tard, c'est le plus bâtard qui y arrivera. Maintenant c'est trop tard, adaptons-nous et redevenons des rats. Donc je redeviens bâtard et me transforme en rat. Je te promets que ça part en couille, qu'on a fait n'importe quoi. Nos gosses rêvent de remplir leur fouille. La faute à qui? Là leur sûrement pas. On leur laisse un monde de barge, un pur malaise, pourquoi? Alors que dans nos rêves, ce que l'on voulait, c'était un monde qui soit sympa. C'est légèrement loupé, on a tout foiré, crois-moi. Depuis que le blé a détrôné, que c'est le royaume du n'importe quoi. Donc maintenant c'est trop tard, adaptons-nous et redevenons des rats. De toute manière il est trop tard, je souhaite juste que le mien s'en sorte sans moi. Maintenant c'est trop tard, adaptons-nous et redevenons des rats. Dans ce monde de crevards, c'est le plus bâtard qui y arrivera. Maintenant c'est trop tard, adaptons-nous et redevenons des rats. Je redeviens bâtard et tu t'en sortiras.